Y'aura des titres marquants dans chaque morceau du CD. Fais gaffe aux gouttes de sang si je te fais passer mon CV. Je me demande si j'ai ma place dans les élites. Malgré la pénurie de vente des disques, est-ce que j'ai le droit de prendre un peu de bif? C'est vrai que ça tourne en rond comme le périph'. C'est vrai que certains artistes sont pas terribles. C'est vrai, allez, ça tourne comme la terrine. Je sors mon album à mes risques et périls. J'ai quelques pièces en poche, 27 piges, j'ai bientôt les rimes. Je préférais regarder des films ou de gratter des rimes plutôt que d'aller tirer des câbles à cause de trad intérim. J'ai atterri dans la culture hip-hop et ça depuis gamin. C'est mon exutoire, le rap et moi on se fait de gros câlins. Scratch rap, j'pensais pas à lever les dames. Break tag, j'ai dû marquer mon place au Véleda. Flashback, beat bass, comme en 98-2010. Ça taf, la résistance s'organise. Je me demande si mon travail va porter ses fruits. Si ma motivation va pas finir par faire mes boutiques. Je me demande si je vais tenir malgré la pente descendante. Dois-je rentrer dans la tendance, prendre une tangente tout level en. Je me demande. Je me demande, dans ce milieu, les mecs ont tous les crocs, veulent voir des sales tombes. Des bêtes de clips sur grand écran, rappés autour de cales blondes. Je viens marquer mon territoire, tu peux retourner dans tes fougères. J'ai des dossiers dans mon tiroir, ainsi que des phases légendaires. Écoute, bien, observe, prends des notes, ne me crache pas dessus. Comme au camp des loges, apprécie la touche Michel-Ange comme Dimérant. Dans un vieux pot, on fait toujours de bonnes soupes. Derrière les fagots, le DJ te sort toujours un son old school. Pas mal, hein, le petit cut comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bien. Bah écoute, vas-y, on va garder ça comme ça, hein. Comme ça, après, je vais enchaîner le refrain direct derrière. Ok. Je me demande si mon travail va porter ses fruits. Si ma motivation va pas finir par faire mes boutiques. Je me demande si je vais tenir malgré la pente descendante. Dois-je rentrer dans la tendance ou rester underground? Je me demande comment je vais faire demain. J'aime pas rester les bras ballants. J'aime pas baisser mon pantalon. Je suis pas l'appui du patelin. Je me demande si le texte fracasse. Si mes tracasses ressent tous moi dans les afrabasses. Je me demande si cette route n'est pas une impasse. On m'a bluffé. J'ai l'impression d'être le dindon de la farce. J'ai pas de chat. Je voulais jouer dans des salles pleines. J'ai fini dans des vieux bleds. C'est pas grave. Tournons la page. J'allais ma claque. Passe-moi la perce de forêt. Rien pour me soulager. Même pas un champignon nocif dans la forêt. Je me demande si un jour ou l'autre je vais pas sortir le fouet. Demain tout peut s'écrouler. Si je vais pas finir sur les muets. Je vais surélever le niveau. Je me demande si mes rivaux sont au niveau. Ils veulent vendre ma peau avant de l'avoir tué. Heureusement il me reste quelques tours dans mon sac. Ça fait l'effet d'un gros taquet dans ton crâne. Je me demande si mon travail va porter ses fruits. Si ma motivation va pas finir par faire mes boutiques. Je me demande si je vais tenir malgré la pente descendante. Dois-je entrer dans la tendance, prendre une tangente tout level en. Je me demande. Ok. Je veux du rap à l'ancienne. T'inquiète. Y'en a encore.